la galerie Est, non loin de Wish City. Depuis le temps, il n'avait pas encore bougé entièrement la galerie. Il restait toujours cette cavité par laquelle nous étions passés la dernière fois, Booz et moi. Le grand trou. Il laissait passer une douce lumière bleutée et par-delà la fêlure se dessinaient des milliers de torches suspendues. Une forme sombre filait doucement comme glissant sur un rail élevé. Une forme sombre aux contours lumineux, presque pâle. La porte vers un autre monde. Wish City ne représentait plus rien pour moi, non. Là-bas, je n'étais qu'un creuseur, après tout. Là-bas, je n'étais rien. Je n'étais rien pour Mila. Alors c'est ça, le grand trou. Hein? Il a l'air surpris de nous voir, le creuseur. Pas vrai, Rosencraft? Hardcore, le trou. Alors c'est ça, le nouveau grand plafond que le grand dirigeant a voulu boucher. Rosencraft, t'as pas le droit de venir ici. Tu veux passer par le grand trou? Tu veux partir, Squeak? Rosencraft, accompagné de ses fidèles connards, descendit du gravat qui bouchait presque entièrement l'entrée de la galerie. Un sourire mauvais se dessinait sur son visage. Non, parce que si tu veux partir, on peut t'aider. Ils étaient cinq. J'étais seul. J'ai regardé autour de moi et il n'y avait pas d'autre issue. Il devait bien y avoir un petit tunnel annexe, un tunnel de secours, quelque chose comme ça, caché parmi les tractopelles, les marteaux-piqueurs, les baraquements abandonnés. Ah, si je devais chercher une issue, autant le faire en courant, je n'avais aucune chance contre eux. Attrapez cet enculé! On va lui faire bouffer une pelle! Non, vraiment, il ne me restait plus qu'à courir. Le Grand Palais, au même moment. Non! C'est pas possible! Un laboratoire? Mais c'est un laboratoire en plein milieu du palais! Bah, je savais pas que c'était comme ça à l'intérieur d'Aura! Bon, ça pue! Ah, tu fais moins le fier comme ça, le rat, avec le ventre ouvert. Ton copain, il a pas réussi à m'amener loin, tu sais? Je suis là, et toi, tu es mort et disséqué, tout ouvert, là. Pourquoi est-ce ouvert, hein? Dis-moi, pourquoi? Allez, rattrapez-moi ce putain de creuseur! Il y avait un tunnel de secours, un petit conduit permettant de quitter la galerie en cas d'incendie ou de tout autre problème qui nécessite une évacuation. Je suis rentré dedans. Je suis retombé sur des rails. Le conduit de secours donnait sur des rails. J'ai continué à courir et derrière moi, Rosen et ses compères. Non, pas tous. Oh non ! Devant moi, deux bâtisseurs m'attendaient. Derrière moi, Rosen. Devant moi, aucune échappatoire. Toi ! Détache-moi ! T'es mort ! T'es mort ! Je peux pas te détacher ! Tu vois pas, t'as le ventre ouvert ! Tu dois être mort ! Détache-moi de là ! Rosencraft avançait d'un pas sûr. Je m'étais arrêté. J'étais encerclé. Des rats, hein? Je t'ai entendu en parler dans le cinéma. Alors comme ça, un petit creuseur de mes deux papote avec la fille de notre grand dirigeant. Qu'est-ce qu'elle peut bien te trouver, Squeak? Hein? Ouais. Des rats, Rosen. Et c'est pas en me tabassant que tu les empêcheras de déferler sur Wish City. Puisque tu nous as entendu autant tout dire, hein? Ils vont attaquer notre ville. Ah! Bon ben, tant pis. Ce ne sont que des rats, après tout. Nous, sommes des pâles fouiches. Nous avons la technologie. Les rats, ils n'ont que des cris. Oui, mais ils sont nombreux. Très nombreux. Et ils feront de Wish City un tas de cendres. Mais qu'est-ce que vous nous voulez, hein? Et puis vous êtes qui? Le laboratoire. Je me souviens. Il était pareil. La liberté. La sortie. Il nous avait dit qu'on pouvait s'enfuir, quitter les hommes, ne plus avoir d'expérience. J'ai marre. On arrivera à vous repousser. Vous êtes jamais que des rats. Il y en a un plus fort, un plus puissant que tous. Il veut vous voler votre... Il nous conduira vers les humains. Et grâce à vous, nous serons puissants. Nous vengerons. Aras puissants. Comment vous allez faire, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Par où vous allez attaquer? Quand? Comment? Avant de crever, dis-moi au moins un truc intéressant. Notre c'est chef. C'est qui? Notre chef. Mais qui est votre chef? Allez, Rosanne, on lui pète la gueule. Ouais, on la lui fait bouffer. Ouais, on va lui. Juste derrière Rosencraft, se tenaient quatre rats, grognants, aux yeux plus rouges que le feu des gouffres. Tu voulais voir des rats, Rosencraft? T'es servi. Et parmi les rats, il y avait le bord. Ah non, les petits cons. On se trimballe là où il faut pas. Vous avez de la chance. Aujourd'hui, ratis, ras gratis. Leur chef, ratis.